Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Oublions le film, les films, avec Louis Jouvet dans le rôle titre. L'émission qui vient nous le permet puisque ce n'est pas la pièce elle-même, Knock, que nous allons entendre, mais une lecture de cette pièce. Lecture à une voix et une lecture faite par un grand comédien dont la personnalité est telle que l'on parvient à ne pas penser à Jouvet. Pour Knock, on le sait, rien n'est plus irritant qu'un homme que l'on appelle bien portant. Knock aurait-il une pratique médicale trop excessive ? En d'autres termes, est-ce que l'intérêt du malade n'est pas subordonné à l'intérêt du médecin ? Knock ne se pose pas cette question, du moins officiellement. Selon lui, il ne faut pas oublier qu'il existe un intérêt supérieur à ces deux lois, celui de la médecine. Tout est dit et tout est à suivre, ainsi que le firent les auditeurs de la chaîne nationale le 16 novembre 1954. La radiodiffusion télévision française présente une émission publique de Michel Pollack, transmise du théâtre des Noctambules, lectures à une voix. Aujourd'hui, Knock, ou le triomphe de la médecine, comédie de Jules Romain de l'Académie française, lue par François Perrier. François Perrier. Knock ou le triomphe de la médecine, trois actes de Jules Romain. La pièce est dédiée à Louis Jouvet, qu'on me permette à mon tour de dédier en modeste hommage cette lecture au souvenir de cet admirable et irremplaçable homme de théâtre. Premier acte. L'action se passe à l'intérieur et autour d'une automobile très ancienne, type 1900-1902, carrosserie énorme, double phaéton arrangé sur le tard en simili-torpedo grâce à des tôles rapportées. Cuivre volumineux, petit capot en forme de chaufferette. Pendant une partie de l'acte, l'auto se déplace. On part des abords d'une petite gare pour s'élever ensuite le long d'une route de montagne. Le docteur Parpalais. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère. Knock, tous, docteur Parpalais. Le docteur Jean les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie en est si spacieuse, les strapontins si confortables. Ah, ce n'est pas la construction étriquée de maintenant. Knock agent, je vous recommande cette caisse. J'y ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Madame Parpalais, voilà une torpedo que je regretterai longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Le docteur, car c'est en somme une torpedo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Knock, oui, oui. Le docteur, voyez comme vos valises se logent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Knock. Saint-Maurice est loin. Le docteur. 11 kilomètres. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence. Une guimbarde si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Madame Parpalais, ici l'on ne peut guère se passer d'automobile. Le docteur, surtout dans la profession. Jean, je mets en marche. Oui, oui. Commencez à mettre en marche, mon ami. Jean entreprend toute une série de manœuvres, ouverture du capot, dévissage des bougies, injection d'essence, etc., etc. Madame Parpalais à Knock. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Zénaïde Fleuriot l'a décrit dans un de ses plus beaux romans, dont j'ai oublié le titre. Tu prends le strapontin, n'est-ce pas ? Le docteur Knock se placera près de moi pour bien jouir de la vue. Le docteur. La carrosserie est assez vaste pour que trois personnes se sentent à l'aise sur la banquette, mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. À Jean. Tout va bien ? L'injection d'essence est terminée dans les deux cylindres ? Avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies ? C'eût été prudent après une étape de 11 kilomètres. Et enveloppez bien le carburateur. Un vieux foulard vaudrait mieux que ce chiffon. Parfait, parfait. Je m'assois. Pardon, cher confrère. Je m'assois sur ce large strapontin qui est plutôt un fauteuil pliant. Madame Parpalais. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. À pied avec tous ces bagages, le trajet serait terrible. En auto, c'est un enchantement. Le docteur. Jadis, mon cher confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous. Du diable, si je me le rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite, pastorale. Madame Parpalais, Albert, depuis quelques années, tu t'obstines à dire profondeur, cet abîme des vallons qu'il y avait dans les premiers temps. Le docteur, juste, juste. On entend une explosion. Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur part bien. À peine quelques tours de manivelle pour appeler les gaz, et tenez, une explosion, une autre. Voilà, voilà, nous marchons. Jean s'installe, le véhicule s'ébranle, le paysage peu à peu se déroule. Le docteur. Croyez-moi, mon cher successeur, car vous êtes dès cet instant mon successeur. Vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Si même, le long de la route, quelques patients, me reconnaissant au passage, malgré la vitesse, réclament l'assistance de mon art, je m'efface en déclarant « Vous vous trompez, monsieur, voici le médecin du pays. » Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Madame Parpalais, mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville, le docteur. Lancer mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris. Je me contenterai de Lyon. Madame Parpalais, au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Le docteur, ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette tocade que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Knock, vous trouvez? Le docteur, c'est l'évidence même. Knock, en tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de ne venir sur place qu'avec le marché en poche. Cela m'a semblé chevaleresque ou même américain. Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une. Une clientèle égale, sans à-coup. Madame Parpalais, pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Le docteur, pas une seule distraction coûteuse, Madame Parpalais. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Knock, Madame Parpalais a des rhumatismes. Madame Parpalais, hélas, le docteur. Le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Le docteur, dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Knock, voilà qui me semble d'un grand intérêt. Le docteur, oui, pour qui voudrait étudier le rhumatisme? Knock, je pensais à la clientèle. Docteur, ah, pour ça non. Non, les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Knock, mais c'est fâcheux. Madame Parpalais, regardez que docteur comme le point de vue est ravissant. On se croirait en Suisse. Pétarades accentuées. Jean à l'oreille du docteur Parpalais. Monsieur, monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que je démonte le tuyau d'essence, le docteur. Bien, bien. Précisément, je voulais vous proposer un petit arrêt ici. Madame Parpalais, pourquoi? Le docteur, le panorama. Le panorama n'en vaut-il pas la peine, Madame Parpalais? Mais si tu veux t'arrêter, c'est encore plus joli un peu plus haut. La voiture, stop. Le docteur, eh bien, nous nous arrêterons ici, et puis nous nous arrêterons aussi un peu plus haut. Nous nous arrêterons 2 fois, 3 fois, 4 fois, si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des chauffards. Observez, mon cher confrère, avec quelle douceur cette voiture vient de stopper. Et comme là-dessus, vous restez constamment maître de votre vitesse. Point capital dans un pays montagneux. Vous vous convertirez à l'attraction mécanique, mon cher confrère, et plus tôt que vous ne pensez. Mais gardez-vous de la camelote actuelle. Les aciers, je vous le demande. Montrez-nous vos aciers. Knock, s'il n'y a rien à faire du côté du rhumatisme, on doit se rattraper avec les pneumonies et les pleurésies. Le docteur agent, profitez donc de notre halte pour purger un peu le tuyau d'essence. Knock, vous me parliez, mon cher confrère, des pneumonies et des pleurésies. Elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez, tous les nouveaux-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois, sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la 50aine. Knock, ça n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Le docteur, évidemment, il nous reste d'abord la grippe, pas la grippe banale, qui ne les inquiète en aucune façon, et qu'ils accueillent même avec faveur parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Mais ça, dites donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale, le docteur... Moi qui vous parle, j'en ai vu deux. Celle de 89-90 et celle de 1918. Madame Parpalais, en 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité, plus relativement que dans les grandes villes, n'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres, le docteur. Avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Knock, il s'était fait soigner? Le docteur, oui, surtout vers la fin, Madame Parpalais. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Knock, plaît-il? Madame Parpalais, ici les clients vous paient à la Saint-Michel. Knock. Mais quelle est cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Le docteur, qu'allez-vous penser, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Knock, et nous sommes au début d'octobre. Ouais. Vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paie bien, séance tenante. Le docteur... Non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Non. Mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année, le docteur... À la Saint-Michel. Madame Parpalais, à la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Madame Parpalais, mais oui. Alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Madame Parpalais, des clients réguliers? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Madame Parpalais, tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme on a le boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous les débutants, il se fait des illusions. Le docteur mettant la main sur le bras de Knock, croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle, celle qui vous laisse indépendant. Knock. Indépendant, vous en avez de bonnes? Le docteur, je m'explique, je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne, voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être prouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide, mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de mille que je vous dois encore une clientèle de tout point assimilable à cette voiture dont on peut dire qu'à 19 ans elle ne serait pas chère mais qu'à 25 elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime faire les choses largement, je vous en donne 30. Le 30 francs de ma torpedo, je ne la lâcherai pas pour 6 000. Je m'y attendais. Je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Le docteur, si au moins vous me faisiez une offre sérieuse, Knock, c'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était encore temps. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Knock, moi je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Enfin, je n'ai pas coutume de geindre et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Madame Parpalais, roulé, proteste, mon ami, proteste. Le docteur, je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Knock, pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça. De toute façon, ne vous tourmentez pas mon propos, je déteste avoir des dettes. Mais c'est en somme beaucoup moins douloureux qu'un lombago, par exemple, ou qu'un simple furoncle à la fesse. Madame Parpalais, comment vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues, Knock? Je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach, et il est au-dessus de mes forces de faire changer la place de la Saint-Glinglin. Madame Parpalais, de la Saint-Michel, le Knock, de la Saint-Michel. Docteur, vous avez bien des réserves, Knock? Aucune. Je vis de mon travail, ou plutôt j'ai hâte d'en vivre, et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez, que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. Le docteur, en ce cas, mon cher confrère, vous seriez deux fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Knock, votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. D'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Le docteur, soit, mais vous n'avez jamais exercé. Knock, autre erreur, le docteur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Knock, oui, 32 pages in octavo, sur les prétendus états de santé. Avec cet épigraphe que j'ai attribué à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Le docteur, nous sommes d'accord, mon cher confrère. Knock, sur le fond de ma théorie. Le docteur, non, sur le fait que vous êtes un débutant. Knock, pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Le docteur, quoi, vous étiez officier de santé? Depuis le temps qu'il n'en reste plus. Knock, non, j'étais bachelier. Madame Parpalais, il n'y a jamais eu de bachelier de santé. Bachelier, lettre, madame. Le docteur, vous avez donc pratiqué sans titre et clandestinement? Knock, à la face du monde, au contraire, et non pas dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 kilomètres. Le docteur, je ne vous comprends pas. Knock, c'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille, rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin, le grade de docteur n'étant pas exigé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Docteur, mais rien sans doute. Knock, oui, oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave, je ne sais pas encore quel sera mon sujet de thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire pour des raisons de prestige et de discipline qu'on m'appelle docteur à bord. Ils me disent que c'est tout naturel. Mais je n'en continue pas moins à leur expliquer pendant un quart d'heure les raisons qui me font vaincre mes scrupules et réclamer cette appellation de docteur à laquelle, en conscience, je n'ai pas droit. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Le docteur, mais vous n'aviez réellement aucune connaissance? Entendons-nous, depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés « Mode d'emploi » que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Et encore aujourd'hui, je puis vous réciter une lettre admirable adressée en 1897 par la veuve P. de Bourges à la tisane américaine des Checkers. Voulez-vous ? Le docteur. Merci, je vous crois. Donc, ces textes m'ont rendu familier de bonne heure avec le style de la profession, mais surtout ils m'ont laissé transparaître le véritable esprit et la véritable destination de la médecine que l'enseignement des facultés dissimule sous le fatras scientifique. Je puis dire qu'à 12 ans, j'avais déjà un sentiment médical correct. Ma méthode actuelle en est sortie. Le docteur, vous avez une méthode ? Je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande. D'ailleurs, il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Le docteur, nul, pardon. Revenez voir dans un an ce que j'en aurai fait. La preuve sera péremptoire. En m'obligeant à partir à zéro, vous accroissez l'intérêt de l'expérience, Jean. Monsieur, je crois que je ferais bien de démonter aussi le carburateur. Le docteur, faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel de carburateur. Madame Parpalais, mais quand vous avez été sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré, Knock ? Les deux dernières nuits, avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. C'est un peu la façon dont on procède dans les hôpitaux. Madame Parpalais, vous aviez beaucoup de gens à soigner. Knock, l'équipage et 7 passagers de conditions très modestes. 35 personnes en tout. Madame Parpalais, c'est un chiffre, le docteur. Et vous avez eu des morts ? Knock, aucune. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Le docteur, comme nous tous. Knock, vous aussi ? Tiens, je n'aurais pas cru. Bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Madame Parpalais, il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Le docteur, et des malades, vous en avez eu beaucoup ? Knock, 35. Le docteur, tout le monde alors ? Knock, oui, tout le monde. Madame Parpalais, mais comment le bateau a-t-il pu marcher ? Knock, un petit roulement à établir. Le docteur, dites donc maintenant, vous êtes bien réellement docteur ? Parce qu'ici, le titre est exigé, et vous nous causeriez de gros ennuis. Si vous n'étiez pas réellement docteur, il vaudrait mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Quand j'ai vu mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de les appliquer sur la terre ferme et en grand. Je n'ignorais pas que le doctorat est une formalité indispensable. Madame Parpalais, vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes, Knock. Je n'ai pas pu les commencer dès ce moment-là. Pour vivre, j'ai dû m'occuper quelque temps du commerce des arachides. Madame Parpalais, qu'est-ce que c'est ? Knock, l'arachide s'appelle aussi cacahuète. Sur un geste de Madame Parpalais, « Oh, madame, je n'ai jamais été marchand au panier. J'avais créé un office central où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans. Mais c'était très fastidieux. D'ailleurs, presque tous les métiers secrètent l'ennui à la longue, comme je m'en suis rendu compte par moi-même. Il n'y a de vrai, décidément, que la médecine, peut-être aussi la politique, la finance et le sacerdoce que je n'ai pas encore essayé. Madame Parpalais, et vous pensez appliquer vos méthodes ici ? Donc, si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais une grande ville, Madame Parpalais. Toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode ? Cela n'engage à rien. Le docteur Knock ne semble pas tenir à la divulguer. Knock, pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer, Dieu sait quand, en espèces, je vous paye en nature, c'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initie à mes procédés. Le docteur, vous plaisantez, mon cher confrère. C'est peut-être vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander conseil. Knock, je n'attendrai pas jusque-là. Je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications très utiles. Le docteur, disposez de moi, mon cher confrère. Est-ce qu'il y a un tambour de ville, là-haut ? Le docteur, vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public ? Knock, parfaitement. Le docteur, il y a un tambour de ville, la municipalité le charge de certains avis. Les seuls particuliers qui recourent à lui sont les gens qui ont perdu leur porte-monnaie ou encore quelques marchands forains qui soldent un déballage de faïence ou de porcelaine. Knock, bon. Saint-Maurice a combien d'habitants ? Le docteur, 3 500 dans l'agglomération, je crois, et près de 6 000 dans la commune. Knock, et l'ensemble du canton ? Le docteur, le double au moins. Knock, la population est pauvre. Madame Parpalais, très à l'aise, au contraire, et même riche, il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Le docteur, terriblement avare, d'ailleurs. Knock, il y a de l'industrie ? Le docteur, fort peu. Knock, du commerce ? Madame Parpalais, ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Knock, les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires ? Le docteur, ma foi non, pour la plupart ce n'est qu'un supplément de revenus et surtout une façon d'utiliser les loisirs. Madame Parpalais, d'ailleurs pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Le docteur, ou réciproquement, Madame Parpalais, tu avoueras que c'est plutôt le mari. D'abord les femmes ne sauraient guère où aller, tandis que pour les hommes il y a la chasse, la pêche, la partie de quille. En hiver le café. Knock, les femmes sont-elles très pieuses ? La question a pour moi son importance. Madame Parpalais, beaucoup vont à la messe, Knock. Mais Dieu tient-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Madame Parpalais, quelle idée, Knock. Parfait. Il n'y a pas de grand vice. Le docteur, que voulez-vous dire? Knock, opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Le docteur, vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Knock. Oui, mais en connaissez-vous qui feraient rôtir la plante des pieds de leur père et mère en faveur du scrutin de liste ou de l'impôt sur leur venu? Le docteur, Dieu merci, n'en sont pas là, Knock. Et l'adultère? Quoi donc? Knock, a-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir, comme ailleurs, des maris trompés, mais sans excès, Madame Parpalais. D'abord, c'est très difficile, les gens vous surveillent tellement. Knock. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler, par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes, Madame Parpalais. À un moment, plusieurs de ces dames ont fait du spiritisme, Knock. Ah ah, Madame Parpalais, l'on se réunissait chez la notairesse et l'on faisait parler le guéridon, Knock. Mauvais. Mauvais. Détestable. Madame Parpalais, mais je crois qu'elles ont cessé, Knock. Ah, tant mieux. Et pas de sorcier, non, pas de thaumaturge. Quelques vieux bergers sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains. Le docteur, autrefois peut-être, mais plus maintenant. Knock, en somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Madame Parpalais, ça vous vient brusquement? Knock, je vous en prie, arrivons là-haut. Le docteur, qu'est-ce donc de si puissant qui vous y attire? Knock, mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, fait laborieusement pousser des chardons là où voulait croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous deviez en repartir. Les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec trois rangs de perles au cou, tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Madame Parpalais, vous plaisantez, docteur? Knock, la plaisanterie serait cruelle, madame. Madame Parpalais, mais alors c'est affreux. Tu entends, Albert? Docteur, j'entends que le docteur Knock est un chimérique et de plus un cyclotimique. Il est le jouet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas deux sous, maintenant c'est un pactole. Madame Parpalais, toi aussi tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas dit souvent qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Le docteur, bon, je reviendrai dans trois mois pour la première échéance. Nous verrons où en est le docteur Knock. Knock, c'est cela, revenez dans trois mois. Nous aurons le temps de causer, mais je vous en supplie, partons tout de suite. Le docteur agent. Vous êtes prêt, Jean? Oh, moi, je serais bien prêt, mais cette fois, je ne crois pas que nous arrivons tout seuls à la mettre en marche. Le docteur, comment cela, Jean? Il faudrait des hommes plus forts. Le docteur, et si on essayait de la pousser, Jean? Peut-être. Le docteur, mais oui, il y a une vingtaine de mètres en plaine. Je prendrai le volant, vous pousserez. Jean, oui. Le docteur, et ensuite, vous tâcherez de sauter sur le marchepied au bon moment, n'est-ce pas? Donc, en voiture, mon cher confrère, en voiture. C'est moi qui vais conduire. Jean, qui est un Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle par une espèce de démarrage qu'on pourrait appeler automatique, bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle des muscles, qui est un peu de même nature, il est vrai. Jean s'arc-boute contre la caisse de la voiture. Rideau. Acte 2. Dans l'ancien domicile de Parpalais, l'installation provisoire de Knock. Table, siège, armoire, bibliothèque, chaise longue, tableau noir, lavabo, quelques figures anatomiques et histologiques au mur. Knock est en scène avec le tambour de ville. Knock. C'est vous le tambour de ville? Le tambour. Oui, monsieur. Knock. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler mot dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Nous disions, t'as brave homme, mais il n'est pas bien fort. Non, ça n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non, monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Pourquoi Ravachol? C'est un surnom qu'il avait, mais je n'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Tiens, quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant, ça n'est rien du tout, vous serez sur pied de main, mon ami. Vraiment? Ou bien, il vous écoutait à peine en faisant, oui, oui, oui, oui, et il se dépêchait de parler d'autre chose pendant une heure, par exemple, de son automobile. Comme si l'on venait pour ça. Et puis, il vous indiquait des remèdes de katsu, quelquefois une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique un remède de katsu. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous devez oublier. Je ne puis vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs pour le petit tour et 5 francs pour le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur, au docteur. Je conseille au docteur, s'il n'en est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois, devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est à savoir, bien, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Et tout de suite, si vous voulez. Voici le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice. Et à l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois. Ah, oh, ça c'est rudement vrai. Il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh ben, c'est une belle idée. Une idée qui sera appréciée, une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi, si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que ça, vous croyez? Et puis vous n'aviez peut-être pas pensé que le lundi est jour de marché, la moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde, vous ne serez plus donné de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Il y a encore ceci, que c'est le jour du marché que vous aviez le plus de chance d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'envoyait guère que ce jour-là. Et si vous les recevez gratis? Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerai. Ou à New York. Ah, vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez. On ne veut pas s'écouter. Et on se mène trop durement. Quand le mal vous tient, on se force. Autant voudrait dire être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Oh, sûr que je raisonne, moi. Je n'ai pas l'instruction que je devrais. Mais il y en a plus instruits qui ne m'en montreraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, en sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur docteur... docteur... Qu'un jour, monsieur le préfet en personne se trouvait à la mairie dans la grande salle des mariages, et même que vous pourriez demander attestation du fait des notabilités présentes à monsieur le premier adjoint, pour ne pas le nommer, à monsieur Michelon, et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire, et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres, qui n'étaient pas tambour, mais qui se prenaient pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui est-ce qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. C'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mois à changer, on jurerait que vous étiez là, caché dans un petit coin. Et je n'y étais pas, mon ami. Alors c'est quelqu'un qui vous l'a raconté, quelqu'un de bien placé. Vous ne montrez pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet. Donc je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? D'abord, je ne pourrais pas venir tout à l'heure ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous, car j'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Donc voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici. Où ça? Par ici? Là. Où peut-être? Peut-être là. Enfin, entre les deux. Juste entre les deux. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Ah, il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Ah, est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? N'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, très important. Quel âge avez-vous? 51, dans mes 52. Plus près de 52 ou de 51? Plus près de 52, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, c'est une faveur. Oh, vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est donc grave ce que j'ai. Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez ? Non, chic. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin ? Vous en buvez raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié ? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein ? Et je puis manger ? Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite ? Je ne me sens réellement pas à mon aise. Knock ouvrant la porte, gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Le tambour sort, Knock le reconduit et fait entrer l'instituteur. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci. Non, non, docteur, j'ai une minute. Mon adjoint surveille la récréation. J'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble et de si urgentes, ça n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration ? Remarquez que je ne suis pas homme à imposer mes idées, ni à faire table rase de ce qu'on a édifié avant moi. Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien. Ne touchons à rien pour le moment. Nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais qu'il s'agisse de la propagande ou des causeries populaires ou de nos petites réunions à nous, vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. C'est que, docteur, je crains de ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion. Je veux dire tout simplement que je désire maintenir intacte la liaison avec vous, même pendant ma période d'installation. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Vous le rencontrez de temps en temps à l'estaminet de l'hôtel de la Clé. Il nous arrivait de faire un billard. Non, ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous réparti l'enseignement populaire de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles, que sais-je, moi, les mille besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Nous nous étions rien répartis du tout. Quoi, vous aviez préféré agir chacun isolément ? C'est bien plus simple, nous n'y avons jamais pensé ni l'un ni l'autre. C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Si je ne l'entendais pas de votre bouche, je vous assure que je n'en croirais rien. Je suis désolé de vous causer cette déception, mais ce n'est pas moi qui pouvais prendre une initiative de ce genre-là, vous l'admettrez, même si j'en avais eu l'idée, même si le travail de l'école me laissait plus de loisirs. Évidemment, vous attendiez un appel qui n'est pas venu. Chaque fois qu'on m'a demandé un service, j'ai tâché de le rendre. Knock, je le sais, monsieur Bernard, je le sais. Voilà donc une malheureuse population qui est entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Dame. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe ? J'en doute fort. Quelques-uns connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. Écoutez, cher monsieur Bernard, nous ne pouvons pas, nous deux, réparer en 8 jours des années de, disons, d'insouciance, mais il faut faire quelque chose. Je ne m'y refuserai pas, je crains seulement de ne pas vous être d'un grand secours. Monsieur Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous aviez un grave défaut, la modestie. Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale, une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire. Rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, docteur. C'est entendu, je puis soigner sans vous mes malades. Mais la maladie, qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer ? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme ? Qui leur apprendra qu'on ne doit pas attendre d'être mort pour appeler le médecin ? Ils sont très négligents, je n'en disconviens pas. Commençons par le commencement. J'ai ici la matière de plusieurs causeries, de vulgarisation, des notes très complètes, de bons clichés et une lanterne. Vous arrangerez tout cela comme vous savez le faire. Tenez, pour débuter une petite conférence, tout écrite, ma foi, est très agréable, sur la fièvre typhoïde, les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, etc., etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couve sans se trahir, les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite, le tout agrémenté de jolies vues. Bacilles formidablement grossies, détails d'excrémentifiques, ganglions infectés, perforations d'intestin et pas en noir, en couleur. Des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que je suis très impressionnable. Si je me plonge là-dedans, je ne dormirai plus. Voilà justement ce qu'il faut. Je veux dire, voilà l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous vous y habituerez. Qu'ils n'endorment plus. Car leur tort, c'est de dormir dans une sécurité trompeuse dont les réveille trop tard le coup de foudre de la maladie. n'ai déjà pas une santé si solide. Mes parents ont eu beaucoup de mal à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, tous ces microbes ne sont qu'en production, mais enfin... Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien, les porteurs de germes. Il y est démontré clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose, un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur? Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez que moi, docteur, je suis porteur de germes? Pas vous spécialement. J'ai pris un exemple, mais j'entends la voix de Monsieur Mousquet. À bientôt, cher Monsieur Bernard, et merci de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Entre le pharmacien Mousquet pendant que l'instituteur Bernard sort. Asseyez-vous, cher Monsieur Mousquet. Hier, j'ai eu à peine le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie. Mais il n'en faut pas davantage pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui y règne et le modernisme du moindre détail. Mousquet, tenue très simple, presque négligé. Docteur, vous êtes trop indulgent. C'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi, de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. Du bénéfice? Oh mon Dieu, si j'en faisais seulement la moitié. Cher Monsieur Mousquet, vous avez en face de vous non point un agent du fisc, mais un ami. J'ose dire un collègue. Docteur, je ne vous fais pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Mais savez-vous bien que c'est scandaleux? Dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'avez pourtant pas de concurrent. Aucun, à près de 5 lieues à la ronde. Alors quoi, des ennemis? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas eu une histoire fâcheuse, une distraction. 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin, c'est si vite fait. Pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, et en 20 années d'exercice. Alors je répugne à former d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Encore une fois, cher Monsieur Mousquet, nous sommes strictement entre nous. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées. Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait en la médecine. Mousquet, dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se plaignaient à moi et que cela me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir, je les voyais plus revenir. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher Monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut degré de prospérité et de puissance où nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Mousquet, oui, certes. Toute question d'argent à part, il y a conscience à se laisser glisser ainsi au-dessous du ferblantier et de l'épicier. Je vous assure, docteur, que ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et les bas de soie que la femme du ferblantier arbore semaine et dimanche. Taisez-vous, mon ami, vous me faites mal. C'est comme si j'entendais dire que la femme d'un président de chambre en est réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Mousquet, si Madame Mousquet était là, vos paroles lui iraient à l'âme. Donc, dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. Mousquet, c'est juste. Je pose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Mousquet, tous, c'est beaucoup demandé. Donc, je dis tous. Mousquet, il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion, point du tout. Client régulier, client fidèle. Mousquet, encore faut-il qu'il tombe malade. Knock, tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un vain mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses à évolution plus ou moins rapide. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. Mousquet, en tout cas, c'est une belle théorie. Théorie profondément moderne, Monsieur Mousquet, réfléchissez-y, et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Si vous êtes un penseur, vous, docteur Knock, et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Cher docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion, et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir, Knock. Bien, bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous. Il reconduit le pharmacien et fait entrer la première cliente, la dame en noir. Elle a 45 ans et respire l'avarice paysanne et la constipation. Ah, voici les consultants, une douzaine déjà. Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne, au moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame ? Il fait entrer la dame en noir. Il referme la porte. Vous êtes bien du canton ? Je suis de la commune. Donc, de Saint-Maurice même ? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient ? Oui, à mon mari et à moi. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Oh, pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Diable. Vous n'avez pas de domestique ? Dame, si, 3 valets, une servante et les journaliers dans la belle saison. Je vous plains. Vous ne doyez avoir resté de temps pour vous soigner. Oh non. Et pourtant vous souffrez. C'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Hein, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Vous êtes constipé ? Oui, assez. Baissez la tête, respirez, toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite ? Je ne me souviens pas. Knock, la palpe lui percute le dos, lui presse brusquement les reins. Vous n'avez jamais mal ici le soir en vous couchant, une espèce de courbature ? Oui, des fois. Knock en continuant à le sculpter. Essayez de vous rappeler, ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse, sur la fesse gauche, heureusement. Ah oui ? Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais ? Non, jamais. Pourquoi ? Il ne donnait point de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état ? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu, pourquoi ça ? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans ? Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien est-ce que ça me coûterait ? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement ? Ça dépend des marchés et de la grosseur, mais on ne peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras ? Il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là, près de 3000 francs ! C'est une désolation, Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça revient cher aussi, et ça réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux non avoir de si terrible que ça ? Je vais vous l'expliquer en 1 minute au tableau noir. Il va au tableau et commence un croquis. Voici votre moelle épinière en coupe, très schématiquement, n'est-ce pas ? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Vous me suivez ? Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse. De quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis, vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Mon Dieu, mon Dieu. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh là là là là, j'ai ben eu du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner, tandis que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ça soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal et vous vous déciderez. Oui, c'est ça. Vous allez rentrer chez vous ? Vous êtes venu en voiture ? Non, à pied. Knock, tandis qu'il rédige l'ordonnance. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant 1 semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuits matin et soir trempés dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pourrait croire, et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire, vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu ? Comme vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier et j'irai vous voir bientôt. À la cantonade. Mariette, aidez madame à descendre l'escalier et trouvez une voiture. Knock fait entrer la dame en violet. Elle a 60 ans. Toutes les pièces de son costume sont de la même nuance de violet. Elle s'appuie assez royalement sur une sorte d'alpinstock. La dame en violet. Vous devez bien être étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, vienne à une consultation gratuite, c'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites peut-être que c'est l'un des jolis résultats du gâchis actuel et que tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et a possédé jadis la moitié du pays et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux, qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon, pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule, d'autant que depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions ou des délais. J'en avais assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine. Je le crois, madame, surtout si vous aimez les champignons et si d'autre part vous avez bien placé votre argent. Ah ! Vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. J'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bête, un notaire au demeurant le meilleur des hommes, mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme qui, comme vous le savez, servit quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Oh mon Dieu, vous me donnez la chair de poule, j'ai l'impression de les avoir achetées en pleine hausse. Et j'en ai pour plus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du dixième de l'avoir total. Ah, pas plus du dixième. Mais s'il ne représente pas plus du dixième, ça n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Vous me rassurez, docteur. Moi aussi, madame. Vous ne sauriez croire, docteur, quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Mais au moins trouve-t-on quelques répits à en changer. Je voudrais ne plus penser toute la journée à mes locataires, à mes fermiers, à mes titres. Je ne puis pourtant pas à mon âge courir les aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait queue à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens. J'ai pensé, ils n'ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'une dame Ponce, demoiselle Lampouma, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés, commentés, c'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, et je vous en remercie. Je suis enchanté, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Knock s'incline. Vous savez que je suis réellement très, très tourmenté avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie. Très, très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpalais? Oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du code civil. C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux dits en tuyau de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyau de pipe. Ciel, en tuyau de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ça doit être affreux, expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe ou un poulpe, une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous sucer et de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh! Il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Je vous en prie, docteur, tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Ou plutôt ne m'abandonnez pas, je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ça doit être absolument incurable et mortel. Non. Il y a un espoir de guérison. Oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent, madame. Oh, je serai une malade très docile, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années, et aussi d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison et un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Oh, mais moi je ne manquerai pas de patience, mais c'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir, vous demeurez loin. Mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du poids public. J'essaierai de faire un bond tous les matins jusque chez vous, madame, sauf le dimanche et le lundi à cause de ma consultation. Mais ce ne sera pas trop d'intervalle, 2 jours d'affilée. Je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées, et puis quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi. Ah, tant mieux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre, j'irai vous voir demain matin, et je vous examinerai plus à fond. Je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Si. Passez chez M. Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première ordonnance. La dame en violet sort. Knock à la cantonade. Mais Mariette, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Vous avez bien annoncé que la consultation gratuite cessait à 11h30. La voix de Mariette. Je l'ai dit, mais ils veulent rester. Knock, quelle est la première personne? 2 gars s'avancent. Ils se retiennent de rire, se poussent le coude, clignent de l'œil, pouffent soudain. Derrière eux, la foule s'amuse de leur manège et devient assez bruyante. Knock feint de ne rien remarquer. Lequel de vous deux? Le premier. Et tous les deux. Donc, vous n'allez pas passer ensemble? Et si. Je ne puis pas vous recevoir tous les deux à la fois. Choisissez. D'abord, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt. Il y a des gens avant vous. Ils nous ont cédé leur tour. Demandez-le. Le second enhardi. Nous deux, on va toujours ensemble. On fait la paix. Entrez. S'adressant au premier, déshabillez-vous. S'adressant au second, vous asseyez-vous là. Le premier se déshabille en échangeant avec son camarade des signes. Faut-il que je me mette tout nu? Enlevez encore votre chemise. Le gars apparaît en gilet de flanelle. Ça suffit. Knock s'approche, tourne autour de l'homme, palpe, percute, ausculte, tire sur la peau, retourne les paupières, retrousse les lèvres. Puis il va prendre à l'aryngoscope à réflecteur, sans casque lentement, en projette soudain la lueur aveuglante sur le visage du gars, au fond de son arrière-gorge, sur ses yeux. Quand l'autre est maté, il lui désigne la chaise longue. Étendez-vous là-dessus. Allons, ramenez les genoux. Il palpe le ventre, applique ça et là le stéthoscope. Allongez le bras, il examine le pouls, il prend la tension artérielle. Bien, rhabillez-vous. Vous avez encore votre père? Non, il est mort. De mort subite? Oui, c'est ça. Il ne devait pas être vieux. Et non, 49 ans. Si vieux que ça. Les deux gars n'ont plus la moindre envie de rire. Knock va fouiller dans un coin de la pièce contre un meuble et rapporte de grands cartons illustrés qui représentent les principaux organes chez l'alcoolique avancé et chez l'homme normal. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voilà les reins d'un homme ordinaire, voici les vôtres. Voici votre foie, Voici votre cœur, mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Knock va tranquillement remettre les tableaux à leur place. Faudrait peut-être que je cesse de boire. Vous ferez comme vous voudrez. Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre? C'est pas la peine. Au second, à vous maintenant. Le premier, si vous voulez, monsieur le docteur, je reviendrai à une consultation payante. C'est tout à fait inutile. Le second, mais j'ai rien, moi, monsieur le docteur. Knock, qu'est-ce que vous en savez? Bon, je me porte bien, monsieur le docteur. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pour accompagner mon camarade. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Allons, déshabillez-vous. Second, non, non, monsieur le docteur, non, pas aujourd'hui. Je reviendrai, monsieur le docteur. Knock ouvre la porte, on entend le brouhaha des gens qui rient d'avance. Knock laisse passer les deux gars qui sortent avec des mines diversement hagardes et terrifiées et traverse la foule soudain silencieuse comme un enterrement. Rideau. Acte 3. La grande salle de l'hôtel de la Clé. L'hôtel de chef-lieu de canton est en train de tourner au Medical Hotel. Les calendriers de licoristes y subsistent, mais les nickels, les ripolins et les linges blancs de l'asepsie moderne y apparaissent. Madame Rémy. Scipion, la voiture est arrivée? Scipion. Oui, madame. Madame Rémy. On disait que la route était coupée par la neige. Scipion. Pouf. 15 minutes de retard. Madame Rémy. À qui sont ces bagages? À une dame de Livron qui vient consulter. Madame Rémy, mais nous n'attendions que pour ce soir. Scipion, à erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcellin. Ah, Madame Rémy, et cette valise? Scipion, à Ravachol. Madame Rémy, comment? Monsieur Parpalais est ici? Scipion, à 50 mètres derrière moi. Madame Rémy, qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, bien sûr. Scipion, consulter, probable. Madame Rémy, mais il n'y a que le 9 et le 14 de disponibles. Je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcellin, je mets la dame de Livron au 14. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Scipion, il restait le 14, j'avais pas l'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Madame Rémy, je suis très ennuyé. Scipion, vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, il faut que je m'occupe de mes malades. Madame Rémy, pas du tout, Scipion. Attendez monsieur Parpalais et expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je peux pas lui dire ça moi-même. Scipion, désolé, patronne, j'ai juste le temps de passer ma blouse. Le docteur Knock sera là dans quelques instants. J'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. Et j'ai pas envie de me faire engueuler. Madame Rémy, vous ne montez même pas les bagages de cette dame? Scipion, et la bonne, elle enfile des perles? Scipion quitte la salle. Madame Rémy, en voyant apparaître Parpalais, quitte la salle également. Docteur Parpalais se trouve seul. Il n'y a personne. Madame Rémy, Scipion! C'est curieux. Voilà toujours ma valise. Scipion! La bonne entre en tenue d'infirmière. Monsieur, vous demandez? Je voudrais bien voir la patronne. Pourquoi, monsieur? Ah ben, pour qu'elle m'indique ma chambre. La bonne, je ne sais pas, moi, vous êtes un des malades annoncés? Docteur, je ne suis pas malade, mais je suis médecin. La bonne. Ah, vous venez assister le docteur, le fait est qu'il en aurait besoin. Mais mademoiselle, vous ne me connaissez pas? La bonne, non, pas du tout. Le docteur Parpalais, il y a 3 mois encore, j'étais médecin de Saint-Maurice. Sans doute n'êtes-vous pas du pays? La bonne. Si, si, mais je ne savais pas qu'il y avait un médecin ici avant le docteur Knock. Vous m'excuserez, monsieur, la patronne va sûrement venir. Il faut que je termine la stérilisation de mes têtes d'oreiller. Et docteur, cet hôtel a pris une physionomie singulière. Madame Rémy glissant un œil. Oh, il est encore là. Enfin, elle se décide. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne venez pas pour loger, au moins. Mais si. Comment allez-vous, madame Rémy? Ben, nous voilà bien. Moi, je n'ai plus de chambre. Docteur, c'est donc jour de foire aujourd'hui. Madame Rémy, non, jour ordinaire. Docteur, et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Madame Rémy, des malades. Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. Le docteur, et pourquoi loge-t-il chez vous? Madame Rémy, parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. D'ailleurs, ils ne sont pas si à plaindre que ça chez nous en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Docteur, mais d'où sortent-ils? Madame Rémy, les malades? Depuis quelque temps, ils en viennent un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Le docteur, je ne comprends pas, madame Rémy. Oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock dans le pays et à tout hasard, ils allaient le consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort alors qu'il est. Et pourquoi serait-il mort, madame Rémy? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire cent autres imprudences. Et tous ces gens-là sont restés là? Oui, en revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et ils commençaient à suivre le traitement. Aujourd'hui, ça n'est déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. Docteur, c'est extraordinaire. Madame Rémy, en effet, ça doit vous sembler extraordinaire, à vous. S'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous créeriez grâce. Le docteur, et quelle vie mène-t-il donc? Madame Rémy, une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10 heures, il passe à l'hôtel. Vous le verrez dans 5 minutes, puis les consultations chez lui et les visites de nouveau jusqu'au bout du canton. Je sais bien qu'il a son automobile, une belle voiture neuve qu'il conduit à fond de train d'ailleurs. Mais je suis sûr qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner juste d'un sandwich. Le docteur, c'est exactement mon cas, Lyon. Madame Rémy, hein? Ici, pourtant, vous aviez su vous faire une petite vie tranquille. Vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Docteur, il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Madame Rémy, ne dites pas ça, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner. C'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages, que nous n'avons aucun souci de notre personne, que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux, et que les remèdes, les régimes, les appareils et tout le progrès, c'est pour les grandes villes erreur, monsieur Parpalais. Nous nous apprécions autant que quiconque. Et bien qu'on n'aime pas gaspiller son argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Vous, monsieur Parpalais, vous en êtes aux paysans d'autrefois qui coupaient les soins en quatre et qui auraient mieux aimé perdre un œil et une jambe que d'acheter 3 francs de médicaments. Les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs tout bénéfice pour le médecin. Madame Rémy, en tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites, que nous n'avions jamais connues ici. Pour les visites, il fait payer les personnes qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant la cahute d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Et il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en aient pas. Moi, la première, je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, me sculptant des pieds à la tête, avec tous ses instruments et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter, que je n'avais qu'à bien manger et bien boire. Et pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour M. Bernard, l'instituteur, qui s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes et qu'il n'en vivait plus. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. D'ailleurs, voici M. Mousquet qui vient de faire une prise de sang au 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Et puis, donnez-moi tout de même votre valise. Allez, je vais essayer de vous trouver un coin. Mousquet. Mousquet, dont la tenue est devenue fashionable. Le docteur n'est pas encore là? Oh, le docteur Parpalais, hein? Revenant, ma foi, il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps, non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois, ça me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content. Ah, tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être la bonne clientèle toute faite. Le docteur, je l'ai déjà accru d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est bonne, Mousquet est bien meilleure. Le docteur aurait-elle été souffrante? Vous ne vous rappelez pas ces migraines dont elle se plaignait souvent? D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché d'importance. Le docteur Knock, lui, a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et presque un traitement opothérapique qui a fait merveille. Ah, elle ne souffre plus? De ses anciennes migraines, plus du tout. Les lourdeurs de tête qui lui arrivent encore d'éprouver proviennent uniquement du surmenage et non rien que de naturel. Car nous sommes terriblement surmenés, je vais prendre un élève. Vous n'avez personne de sérieux à me recommander? Docteur, non, mais j'y penserai. Ah, ça n'est plus la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. Le docteur, bref, le Pérou. Mousquet, ah, il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires et je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher docteur Parpalais, j'aime mon métier et j'aime à me sentir utile. Je trouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ronger mon frein. Simple question de tempérament, mais voici le docteur. Messieurs, bonjour. Docteur Parpalais, je pensais à vous. Vous avez fait mon voyage. Excellent. Vous êtes venu avec votre auto? Non, par le train. Ah bon. Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas, le docteur? C'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Je vous laisse, messieurs. Je monte au 15. Le docteur. Vous ne m'accuserez plus maintenant, docteur Knock, de vous avoir roulé. Knock, l'intention y était, mon cher confrère. Le docteur, vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste et le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester. Nous nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats? Le docteur, on m'en a parlé. Knock, fouillant dans son portefeuille. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. Docteur, 5 consultations par semaine, dites le double hardiment, mon cher confrère. Donc, soit. Voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons les 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Le docteur, pardonnez-moi, mon cher confrère, vos chiffres sont rigoureusement exacts ? Knock, rigoureusement. Le docteur, en une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin ? On ne les a pas amenées de force ni par une contrainte quelconque ? Knock, il n'a fallu ni les gendarmes ni la troupe. Le docteur, c'est inexplicable. Knock, passons à la courbe des traitements. Début d'octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malade en traitement régulier à domicile, zéro, n'est-ce pas ? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. Le docteur, j'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Knock, moi je ne trouve pas ça énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers et là-dessus 1502 revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de revenus ? Knock, vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. Ce serait abusif. Et pour les autres non plus, l'on ne saurait prévoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons de traitement. Le plus modeste pour les revenus de 12 à 20 000 ne comporte qu'une visite par semaine et 50 francs environ de frais pharmaceutiques par mois. Au sommet, le traitement de luxe pour revenus supérieurs à 50 000 francs entraîne un minimum de 4 visites par semaine et de 300 francs par mois de frais divers. Rayons X, radium, massage électrique, analyse, médication courante, etc., etc. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients, Knock ? Pas par les agents du fisc, croyez-le. Et tant mieux pour moi. Alors que je dénombre 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt, lui, en compte 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000, le plus gros de la mienne, de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Le docteur, vos informations à vous, d'où viennent-elles ? Knock, de bien des sources, c'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Regardez ceci, c'est joli, n'est-ce pas ? Le docteur, on dirait une carte du canton, mais qu'est-ce que signifient tous ces points rouges ? Knock, c'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise, la tache de Chabrière. Docteur, plaît-il ? Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée. N'est-ce pas ? On la remarque à peine. Docteur, même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis guère douter de vos résultats. Ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient peut-être de vous le dire, mais ils le penseraient. Ou alors ils ne seraient pas des médecins. Mais me permettez-vous de me poser une question tout haut ? Knock, je vous en prie. Le docteur, si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main, comme vous, s'il ne me restait plus qu'à la pratiquer, Knock, oui. Le docteur, est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule ? Répondez-moi. Knock, mais c'est à vous de répondre, il me semble. Le docteur, remarquez que je ne tranche rien, je soulève un point excessivement délicat. Knock, je voudrais vous comprendre mieux. Le docteur, vous allez dire que je donne dans le rigorisme, que je coupe les cheveux en quatre, mais est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin ? Knock, docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Le docteur, lequel ? Knock, celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Le docteur, oui. Knock, vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artériosclèreux. Ce qu'on voudra, mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être, ni chair, ni poisson, que vous appelez un homme bien portant. Le docteur, vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Knock, ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres ou former à l'arrière des malades en activité, une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation, car alors vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas, nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité, mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici pour M. Raffalins. Le docteur... Ah, le colosse, oui, celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus. Knock, oui, il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est. Docteur quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Le docteur, il subsiste pourtant une sérieuse difficulté, laquelle? Le docteur, vous ne pensez qu'à la médecine, mais le reste, ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, on amène un certain ralentissement des autres activités sociales dont plusieurs sont malgré tout intéressantes? Non, ça ne me regarde pas. Moi, je fais de la médecine. Le docteur, il est vrai que lorsqu'il construit sa ligne de chemin de fer, l'ingénieur ne se demande pas ce qu'en pense le médecin de campagne. Knock, parbleu. Regardez un peu ici, docteur Parpalais, vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. Entre deux parties de billard, jadis, vous n'avez pas pu manquer d'y prendre garde. Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton. Les villages de Mécla et de Trébure s'aperçoivent à gauche. Et si de ce côté, les maisons de Saint-Maurice ne faisaient pas une espèce de renflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. Mais vous n'avez dû saisir là que ces beautés naturelles dont vous êtes friand. C'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine. Animé et parcouru par le feu souterrain de notre art, la première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout le monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures, que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Le docteur, un homme comme vous n'est pas à sa place dans sa chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Donc je l'aurai tôt ou tard. Le docteur, attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront déjà. Croyez-en mon expérience. Knock, alors? Le docteur, alors vous ne devriez pas attendre. Knock, vous avez une situation à m'indiquer? Le docteur, la mienne. Je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Knock. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous deviendriez? Le docteur, moi, je me contenterai de nouveau de Saint-Maurice. Knock. Oui. Le docteur, et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Knock, oui. Au fond, vous n'êtes pas si bête qu'on veut bien le dire. Le docteur commence là. Knock, vous produisez peu, mais vous savez acheter et vendre. Ce sont les qualités du commerçant. Le docteur, je vous assure que, Knock, vous êtes même en l'espèce assez bon psychologue. Vous devinez que je ne tiens plus à l'argent dès l'instant que j'en gagne beaucoup et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon m'aurait vite fait oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Oh, je n'ai pas l'intention de vieillir ici, mais de là à me jeter sur la première occasion venue. Entre Monsieur Mousquet. Knock, approchez-vous, cher ami. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon, il reviendrait ici. Mousquet, c'est une plaisanterie. Knock, pas du tout, une offre très sérieuse, Mousquet. Les bras m'en tombent, mais naturellement vous refusez. Le docteur, mais pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Mousquet, à Parpalais. Parce que quand en échange d'un amurless de 2000 francs, on leur propose un pistolet et air comprimé Eureka, les gens qui ne sont pas fous ont l'habitude de refuser. Vous pourriez aussi proposer au docteur un troc d'automobile. Le docteur, je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu, qui avait une grosse réputation. Mousquet, oui, mais il y a 3 mois de ça. En 3 mois, on fait du chemin. Et encore plus à la descente qu'à la montée. D'abord, mon cher docteur, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Le docteur, mais qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Mousquet, eh bien, elle vous le donnera. Je ne vous dis pas qu'elle fera des barricades, ce n'est pas la mode du pays et nous manquons de pavés. Mais elle pourrait très bien vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Entre Madame Rémy portant des assiettes. Madame Rémy, apprenez une bonne nouvelle, le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Elle lâche sa pile d'assiettes, mais la rattrape juste à temps. Madame Rémy, ah mais non! Ah mais non! Mais moi je vous dis que ça ne se fera pas! Au docteur Knock. Ou alors il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane. Parce que je vais retirer les gens et on ne vous laissera pas partir. On crèvera plutôt les pneus de votre voiture. Quant à vous, monsieur Parpalais, si c'est pour ça que vous êtes venu, j'ai le regret de vous dire que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. Le docteur, très ému, bien, bien. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner honnêtement mon pain à Lyon. Honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai songé un instant à reprendre mon ancien poste, c'était, je l'avoue, à cause de la santé de ma femme qui ne s'habitue pas à l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je repars ce soir. Knock, vous ne nous ferez pas cet affront, mon cher confrère. Madame Rémy, dont la surprise d'une nouvelle d'ailleurs inexacte et dans la crainte où elle était de laisser tomber ses assiettes, n'a pu garder le contrôle de son langage. Ses paroles ont trahi sa pensée. Vous voyez maintenant que sa vaisselle est en sécurité. Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Madame Rémy, sûrement Monsieur Parpalet a toujours été un très brave homme, mais il tenait sa place aussi bien qu'un autre tant que nous pouvions nous passer de médecin. C'était ennuyeux que lorsqu'il y avait une épidémie, car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au moment de la grippe espagnole. Docteur, un vrai médecin, quelle chose il faut entendre dire. Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? À peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre. Attendez la prochaine et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Madame Rémy. Le docteur Knock, écoutez, monsieur Parpalais, je ne discuterai pas d'automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Ce qui est terrible, comme l'expliquait l'autre jour encore monsieur Bernard à la conférence, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Bousquet, mon cher docteur, je ne vous conseille pas de soulever ici des controverses de cet ordre. L'esprit pharmaco-médical court les rues, les notions abondent et le premier venu vous tiendra tête. Knock, ne nous égarons pas dans les querelles d'école. Madame Rémy et le docteur Parpalais peuvent différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Madame Rémy, vous avez bien une chambre pour le docteur? Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades. Si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible. Parce que c'est mon devoir. Et si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir dès cet après-midi et que, médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire? Madame Rémy. Ah, ce serait autre chose. Mais monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Knock serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Le docteur. Qu'allez-vous chercher là? Je repars ce soir et voilà tout. Knock, mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable. Je déconseille le départ aujourd'hui et au besoin, je m'y oppose. Madame Rémy. Bien, bien, docteur, je ne savais pas. Monsieur Parpalais aura un lit, vous pouvez être tranquille. Faudra-t-il prendre sa température? Nous recoserons de cela tout à l'heure. Madame Rémy sortir. Mousquet. Je vous laisse un instant, messieurs. J'ai cassé une aiguille et je vais en prendre une autre à la pharmacie. Le docteur est resté seul avec Knock. Dites donc, c'est une plaisanterie. Je vous remercie de toute façon. Ça ne m'amusait pas de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. Mais c'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt, vous avez eu un air pour me dire ça. J'avais beau savoir que c'était une plaisanterie et connaître les ficelles du métier. Ah oui, un air et un œil, comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Que voulez-vous, ça se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi, même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Docteur, mais un diagnostic, que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie ou bien... Comment de fantaisie? Je vous dis que malgré moi, quand je rencontre un visage, mon regard se jette sans même que j'y pense sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore, et mon appareil à construire les diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille, car ça devient idiot. Le docteur, mais c'est que... Permettez, j'insiste d'une manière un peu ridicule, mais j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps, et ne fût-ce qu'au point de vue purement théorique, j'aurais été très curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Donc, mon cher confrère, laissons cela pour l'instant. 10 heures sonnent, il faut que je fasse ma tournée, nous déjeunerons ensemble si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte peut-être, c'est dans mon cabinet cet après-midi que nous en parlerons plus à loisir. Knock s'éloigne. 10 heures achève de sonner, Parpalais médite affaissé sur une chaise. Scipion, la bonne, Madame Rémy paraissent, porteurs d'instruments rituels, et défilent au sein de la lumière médicale. Rideau.